violette.qc.ca. CKRL est en nomination dans la catégorie Radio de l'année au prochain gala de l'alternative musicale indépendante du Québec et c'est le temps de voter pour votre radio. Rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca pour tous les détails. Vous pouvez voter jusqu'au 10 novembre. Aidez CKRL à remporter le premier prix de Radio de l'année au GAMIC. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Votre rendez-vous hebdomadaire avec le rock progressif d'aujourd'hui. On va parler du magazine Terra Incognita puisque le numéro 50 du magazine est paru. Et on a pu se le procurer la semaine dernière lors du spectacle de Discipline et Sonus Umbra, dont je reparlerai un peu plus tard dans l'émission, parce que j'ai beaucoup aimé. Et donc, le numéro 50, puis ça me rappelle que, puis c'est justement ce qu'il y a dans l'éditorial, le premier numéro du magazine était paru en 2003, alors qu'il y avait eu le concert à l'autre caserne, le concert de Ecolin. Et ben, je me souviens, j'étais présent, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Jean-François et France derrière une table là, pour vendre le magazine. Et à ce moment-là, j'avais une émission ici à CKRL sur l'heure du souper le samedi. Ça durait une demi-heure, zone néoprog. Et mais juste après, on a commencé Terra Incognita, moi et Michel. Puis Bruno s'est joint, ensuite Jean-François. Et ben on est là depuis donc 2004 avec vous pour partager notre passion du rock progressif et ben on va parler pas mal du magazine dans le deuxième bloc, la deuxième demi-heure, où j'aurai des pièces là en lien avec les entrevues, les albums qui sont chroniqués, on en parlera un peu plus. Mais pour débuter, je vais vous présenter un album coup de cœur que j'ai découvert, c'était peut-être au mois de juillet, ou j'ai écouté ça quand j'étais en vacances justement, puis j'ai eu un coup de cœur, je l'avais téléchargé, je l'ai fait venir directement à partir de Bandcamp, du site du groupe. C'est un groupe de l'Israël, Soul Enema, et c'est leur nouvel album, leur second, Of Clans and Clones and Clowns. Et sur la pochette, on voit une genre de soucoupe volante ou puis des babouins. Alors, c'est les babouins cosmiques qui débarquent sur Terre et c'est une chronique de l'humain, de toutes les aberrations de l'humain au niveau de l'environnement, des guerres de religion, des guerres pour le pétrole, en tout cas. C'est un album que c'est un grand coup de cœur. Alors j'aurai quelques extraits de cet album-là pour vous ce soir sur l'Anima. On ira d'ailleurs avec la pièce titre et vous allez voir, c'est très éclectique. Il y a des bouts, la guitare est un peu métal. Après ça, c'est vraiment, ça tombe dans un prog énergique. On pourrait, le vocal est vraiment féminin, très bon, très puissant. On pourrait faire un parallèle avec l'album de La Tulipe Noire, Matricide, un groupe de la Grèce qui est paru il y a quelques années, 3 ans je pense maintenant. En tout cas, Soul Enema, donc mon grand coup de cœur pour débuter avec la pièce Omonra. On a également Sky Architect. C'est leur nouvel album, Sky Architect. Très bon, Nomade. Je l'aime beaucoup. Et on en a fait déjà jouer des extraits à l'émission. Mais moi, je l'ai reçu, ça fait pas si longtemps. Puis, tombé en amour avec cet album-là. On ira avec la pièce titre, donc, de Nomade. Sky Architect. Et la nouveauté, Agusa. Michel vous en avait présenté il y a quelques semaines. Mais là, ça sort officiellement vendredi qui s'en vient. Agusa, le groupe de la Suède. Ça, c'est un groupe instrumental avec de l'orgue, des musiques très, très proches de la nature, si on veut, aux sonorités très scandinaves, et c'est instrumental. On aura donc la pièce d'ouverture du nouvel album d'Agusa et un autre extrait de Soul Anima. Puis là, dans cet extrait-là, vous entendrez un peu les bruitages des Age of the Cosmic Baboon. Alors voilà, c'est le thème de ce premier bloc avec Soul Anima. Shadows at the midnight. Morning frost. It reflects the sun and opens up. Waiting for the fox to come and whisper soft. If I only will wake up now or stay. We'll be right back.

sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. Ce qu'on a entendu là, c'est le groupe Soul Enema. Ça vient d'Israël et c'est sorti peut-être au mois de juillet cette année. C'est le compositeur Constantin Glantz qui fait les claviers, les programmations, quelques voix. Il y a l'excellente chanteuse Noah Grumman, Yael Guérin aux guitares. Mais il y a plusieurs invités, là, comme vous avez pu entendre, des musiciens de la Russie et avec des sonorités du Moyen-Orient. C'est vraiment intéressant. On a entendu en début de bloc une pièce également de Soul Enema. C'était la pièce d'ouverture de l'album Omonra. Et celle-là, c'était The Age of Cosmic Baboon. Et ben j'aime beaucoup cet album-là. Ça, c'est vraiment un album coup de cœur pour moi. Puis j'aime qu'il y a beaucoup d'humour dans ça. Les textes sont très bons, sont très présents, intéressants. Puis il y a beaucoup d'humour. Puis c'est souvent, il y a des groupes qui se prennent trop sérieux dans le prog. C'est pas le cas du tout avec Soul Enema. On aura une autre pièce un peu plus tard dans l'émission. Comme je le disais, là, c'est mon coup de cœur. Mon album coup de cœur. Il y avait également Aguza, la nouveauté de la Suède, et leur album tout simplement intitulé Aguza. Et c'est leur troisième. Et c'était la pièce Landet Langesen. On avait eu également Sky Architect, leur nouvel album Nomade, la pièce Nomade. C'est peut-être leur meilleur, là. Franchement, leur premier en 2010, Excavation of a Mind, on l'avait beaucoup aimé. Ils étaient venus à Terra Incognita en 2011 nous le présenter, ça avait été incroyable. Il y avait également Wobbler à cette édition-là, on entendra le nouveau Wobbler aussi ce soir en fin d'émission. Alors, Sky Architect, un autre coup de cœur là, récent. Là, je vous parlais de Terra Incognita, le magazine, le numéro 50 vient de paraître. Et dans ça, ben, il y a comme des chroniques évidemment intéressantes sur le rock progressif. Au-delà des apparences, une discussion sur les styles musicaux avec Jean Roby. Il y a également une entrevue avec David Walliman. C'est un artiste français qui a déménagé aux États-Unis en 2010 environ, puis ça fait plus longtemps que ça. Ça fait environ 14 ans qu'il est là-bas aux États-Unis, et il a joué dans Glasshammer, dans Culture of Ascent et l'autre The Three Cheers from Broken Hearted également. On le voit dans des DVD, Live at Belmont and Live at Trivoli. Donc, David Walliman a réalisé un album, Evolving Seeds of Glory. C'est le premier album d'une trilogie qui est enregistré avec la complicité de Nick DeVirgilio et de Randy George, qui est dans le Neil Morse Band. Et on aura une pièce donc de cet album-là. Puis il est en train de travailler sur la suite, puisqu'il va avoir trois parties. C'est un rock instrumental. Il y a des invités spéciaux encore sur ça, dont Fred Chandler de Glasshammer, qui va jouer sur son prochain disque. Puis pour se procurer son album, vous pouvez aller sur davidwalliman.com. Alors, une entrevue super intéressante avec David Walliman. Il y a une entrevue avec The Watch qu'on aime parce qu'on l'a vu plusieurs fois à Québec. The Watch et leur nouvel album Seven. Alors, il y a une entrevue sur justement la démarche puis musicale de The Watch. On aura une pièce de Seven, la pièce Masks. Et également, il y a des chroniques de DVD par Michel Duncan. Sur le DVD de Camel, Live in Japan, il y a Antimatter, de Time Between the Earth and Clouds, il y a Galahad, Solidarity Live in Conin, et RPVL, New Dawn. Alors, il y a un retour sur le festival Terra Incognita 2017 par Jean-François, super bien écrit, comme d'habitude, franchement, c'est toujours le fun à lire. On a eu tellement des belles prestations. Il y a également des chroniques de disques. On parle plus de plusieurs disques qui ont été de groupes qui n'avaient pas fait paraître d'album depuis longtemps, puis qui font des retours. Des fois, c'est plutôt heureux, d'autres fois, pas beaucoup. En fait, Jean Roby a quelques chroniques comme RDM, Les Robertio de la Medaglia, qui a, bon, quand même. Trouver moyen aux métamorphosies, mais par contre où il y avait d'autres tours qui ont été vraiment des réussites là. On a les chroniques de Vibra Delirium, Nova Era, donc c'en est une. Il y a également des chroniques de prog identitaire. En fait, c'est la chronique du rock québécois. C'est les fameux albums de rock progressif québécois des années 70. On a ici Opus 5, Pollen, on a Manège, on a aussi Ungava et Eden qui sont chroniqués. Il y a une entrevue avec Machines Dream. Ça, c'est un groupe canadien. Avec leur nouvel album, là, il est très haut là, dans les albums les plus appréciés de cette année. Black Science, un groupe de Sault-Sainte-Marie. Alors, il y a une entrevue avec le chanteur Craig West et dans le magazine numéro 50. Craig West qui disait que c'est comme pour faire des spectacles, ça coûte cher, puis ça prend beaucoup d'organisation. C'est quelque chose, surtout pour des groupes qui sont un peu éloignés, comme c'est le cas pour Sault-Sainte-Marie. Machines Dream qui est très bien reçu. Alors on aura une pièce donc de David Wallyman, de son nouvel album, The Watch, et également Steve Hackett. Il y a une superbe chronique de l'album de Steve Hackett par Jean Roby, puis je suis complètement d'accord avec lui, c'est un album super. The Night Siren, d'ailleurs, on pourra le voir en spectacle là, au Palais Montcalm le 10 février prochain. Steve Hackett et son nouveau spectacle avec The Night Siren. On aura la pièce Behind the Smoke. Mais tout d'abord, David Wallyman.

you cannot win. Lay your hand, you will die tonight. Le groupe The Watch de l'Italie et leur nouvel album Seven. Il y a une entrevue dans le magazine Terra Incognita numéro 50 qui vient de sortir avec Simone Rossetti pour parler de cet album réalisé avec son fils également qui a 21 ans, qui travaille avec eux en studio. Et donc on avait eu juste avant Steve Hackett de son album paru cette année, The Night Siren, la pièce Behind the Smoke. Et on avait eu également David Walliman qui est interviewé dans le Terra Incognita numéro 50. Et son nouvel album, en fait son album s'est paru l'an dernier, mais là il va en avoir un qui va sortir en 2018, Evolving Seeds of Glory. Alors, c'était la pièce d'ouverture. On poursuit maintenant avec la nouveauté. Michel vous en a fait jouer en primeur plus d'une fois maintenant. Mais c'est Wobbler, donc excellent groupe de la Norvège, et leur nouvel album, From Silence to Somewhere. Et on écoutera la pièce titre ce soir. Je pense que là, c'est vraiment un bel album, un bon album pour Wobbler. Il faut l'écouter pas mal, mais comme d'habitude, il y a des pièces complexes et longues, et c'est le cas de celle-ci, mais ça vaut la peine. Alors on y va tout de suite en musique avec Wobbler. rise again up from the tomb like the fragile sprout in twilight's gloom. Into the world of foam, ancestral gold, the light of dawn. A web stretched out too long ago. Stop. softly dancing in the wind, embracing the earth, my death and my birth, my warm winds caressed and enclosed in mirth. Here I lie, at peace in solitude forever. Soar into the world once again. Gently dancing in the wind, embracing the earth, my death and my birth, my warm winds caressed and enclosed in mirth. 89.1 L'Halloween, ça se fête à la Corrigan le 28 octobre dans un décor macabre de circonstances. Dès 16h, des maquilleuses de Flash Tribu seront sur place. Prenez rendez-vous sur la page Facebook. À 21h, la fête de l'horreur se poursuit avec le concours de costumes. Sur place aussi, le célèbre concours de décoration de citrouille. Prix de présence, bière à la citrouille, cocktails et autres shooters monstrueux. Dès 22h, la piste de danse s'anime au son du groupe de Black Coffees. 5$ à la porte, gratuit pour les gens costumés. La Corrigan, 380 Dorchester. LaCorrigan.ca. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Parenthèse 9, la patente Atelier coopératif, le Pignon bleu, collectif Les Accompagnantes. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. De retour avec Bruno et Marc, c'était Wobbler. C'est une très longue pièce. Hein. C'est la pièce titre de leur nouvel album From Silence to Somewhere. Alors, c'est vraiment très bon. Hein. On est tous très contents après quand même quelques années. Là. Puis, comme Bruno le faisait remarquer, là, on a l'impression d'être en continuité là, avec le précédent Rites of Dawn. Tellement la sonorité est semblable, là. C'est vraiment leur esprit. Très bon album qui vient tout juste de paraître hier, en fait. Là, la date de parution officielle, c'était le 20 octobre. Alors, on poursuit maintenant en Italie avec un groupe d'abord qui chante en anglais. Les Italiens, Alessandro Seri et El Mondo Romano de The Ancient Veil, ils avaient fait un premier disque. Ils avaient fait partie de Eris Pluvia, qui était paru en 91, il me semble, ou 92. Et ensuite, ils avaient fait Ancient Veil, un album en 97. Qui était quand même pas si mal. Et puis là, c'est un retour avec cet album-là cette année, I Am Changing, qui est dans le même esprit, mais peut-être moyen, en fait, un peu moins bon. Et il y a une belle pièce quand même, il y a quelques bonnes pièces quand même, dont la pièce Bright Autumn Dawn. Mais c'est tout à fait de circonstance là, avec les Bright Autumn Dawn qu'on a de ce temps-ci. Et je pensais mettre ça. C'est chroniqué d'ailleurs dans le magazine Terra Incognita numéro 50 qui vient de sortir. Et également, un album que j'aime beaucoup qui vient de sortir il n'y a vraiment pas longtemps, Il Cerchio d'Oro, et c'est leur troisième album, Il Fuoco Sotto la Cenere. Et c'est assez rock. C'est tout à fait dans le style rock progressif des années 70 italien, et très dynamique, ceux qui aiment les voix comme style La Mascarade d'Itchera, puisque ça sonne aussi prog très contemporain, ben vont aimer Il Cerchio d'Oro. Alors on ira avec la pièce Il Fuoco Sotto la Cenere, la pièce titre de cet album. Il va y avoir ça. Et également, on a une pièce de Discipline pour souligner leur spectacle la semaine dernière. Discipline, une pièce de leur plus récent album Captives of the Wine Dark Sea, une pièce qui a été interprétée la semaine dernière, Life Imitates Art. Mais tout d'abord, The Ancient Veil. Thank you.